5. La croix et les Iroquois. Dimanche 12 juillet 1534. Étant certain qu'il n'y avait aucun passage par ce golfe, nous fîmes voile et partîmes de ce lieu de Saint-Martin, le dimanche 12e de juillet, pour poursuivre nos explorations au-delà de ce golfe, et nous allâmes vers l'est, le long de cette côte, sur environ 18 lieues. Au cap du Pré, nous trouvâmes le courant très fort et fort peu de fond, et la mer était courroucée et tempétueuse. Pour cette raison, il nous fallut mouiller entre le cap du Pré et une île située à une lieue environ de ce cap, et là nous jetâmes l'ancre pour cette nuit. Lundi 13 juillet 1534. Le lendemain matin, nous fîmes voile avec l'intention de faire le tour de la côte qui est située vers le nord et nord-est. Mais un vent survint si contraire et impétueux qu'il nous fut nécessaire de rebrousser chemin jusqu'au point d'où nous étions partis. Nous y demeurâmes tout ce jour jusqu'au lendemain où nous repartîmes, et nous parvâmes au milieu d'un fleuve éloigné de 5 ou 6 lieues du cap du Pré. Arrivés en travers du fleuve, nous eûmes de nouveau le vent contraire avec un grand brouillard et une telle obscurité qu'il nous fallut entrer dans le fleuve le mardi 14e du mois. Nous nous arrêtâmes à l'entrée jusqu'au 16e, attendant le bon temps pour pouvoir sortir. Tandis que nous étions là, nous vîmes une grande multitude d'hommes sauvages qui pêchaient des tombes, dont il y a une grande quantité. Ils étaient environ 40 barques et plus de 200 hommes, femmes et enfants. Après qu'ils eurent un peu conversé en terre avec nous, ils vinrent sans façon le long de nos navires avec leurs barques. Nous leur donnions des couteaux, des chapelets de verre, des peignes et autre chose de peu de valeur, dont ils se réjouissaient infiniment, levant les mains au ciel, chantant et dansant dans leurs barques. Ceux-ci peuvent être vraiment appelés sauvages. On ne peut trouver gens plus pauvres au monde, et je crois que tous ensemble n'eussent pas pu rassembler la valeur de 5 sols, excepté leurs barques et leurs filets. Ils n'ont qu'une toute petite peau pour tout vêtement, avec laquelle ils couvrent les parties honteuses de leur corps, à la mode des Égyptiens. Ils n'ont ni la physionomie ni le langage des premiers que nous avions rencontrés. Ils portent la tête entièrement rasée, hormis une mèche de cheveux au plus haut de la tête, qui laisse pousser long comme une queue de cheval, et lisse sur la tête avec des aiguillettes de cuir. Ils n'ont d'autre demeure que le dessous de leur barque. Ils les renversent et s'étendent sous elles, sur la terre, sans aucune couverture. Ils mangent la viande presque crue, à peine chauffée sur les charbons, de même pour le poisson. Mercredi 22 juillet 1534. Nous allâmes, le jour de la Madeleine, les rejoindre avec nos barques sur le bord du fleuve, et nous descendîmes librement au milieu d'eux, ce dont ils se réjouirent beaucoup. Et tous les hommes se mirent à danser et à chanter en 2 ou 3 bandes, faisant de grands signes de joie pour notre venue. Ils avaient fait fuir les jeunes femmes dans les bois, sauf 2 ou 3 qui étaient restées avec eux. À chacune d'elles, nous donnâmes des peignes et une clochette d'étain de peu de valeur, et aussitôt ils commencèrent à danser ensemble, disant plusieurs chansons. Nous découvrîmes sur les rivages la grande quantité de tombes qu'ils avaient prises, avec leurs filets faits exprès pour pêcher, d'un fil de chanvre qui pousse dans la région où ils habitent ordinairement. Pousse également dans ce pays du mil gros comme des pois, pareil à celui qui pousse au Brésil et qu'ils appellent en leur langue capaï. Ils en mangent au lieu de pain et en ont en abondance. Ils ont aussi des prunes qu'ils sèchent comme nous le faisons pour l'hiver et ils les appellent honesta. Même ils ont des figues, des noix, des pommes et autres fruits et des fèves qu'ils nomment Saha, des noix Kaeya. Si on leur montrait quelque chose qu'ils n'avaient pas et dont ils ne pouvaient savoir ce que c'était, ils secouaient la tête en disant Noda, ce qui veut dire qu'ils n'en ont pas et ne savent pas ce que c'est. Ils nous montraient par signe le moyen d'accroûter les choses qu'ils ont. Ils ne mangent aucune chose qui soit salée et ils sont grands larrons et dérobent tout ce qu'ils peuvent. Vendredi 24 juillet 1534. Le 24e du mois, nous fîmes faire une croix haute de 30 pieds. Elle fut faite en la présence de plusieurs sauvages, sur la pointe de l'entrée du port, et nous mîmes au milieu un écusson relevé avec 3 fleurs de lys. Et dessus était écrit en grosses lettres entaillées dans du bois « Vive le roi de France ». Ensuite, nous plantâmes la croix sur la pointe en présence des sauvages, et ils la regardaient fixement, tant lorsqu'on la faisait que quand on la plantait. L'ayant levé en haut, nous nous agenouillâmes tous, les mains jointes. Nous l'adorions sous leurs yeux, et nous leur faisons signe en regardant et en montrant le ciel, que de cette croix dépendait notre rédemption. Ils s'en émerveillèrent beaucoup, tantôt se concertant, tantôt regardant cette croix. Mais alors que nous étions retournés à nos navires, leur capitaine vint à nous avec une barque. Il était vêtu d'une vieille peau d'ours noir et accompagné de ses trois fils et d'un de ses frères. Ceux-ci ne s'approchèrent pas aussi près du bord qu'ils en avaient coutume. Le capitaine sauvage fit alors une harangue en montrant cette croix et en faisant le signe de la croix avec deux doigts. Il montrait ensuite toute la terre des environs, comme s'il eût voulu dire qu'elle était toute à lui et que nous n'y pouvions planter cette croix sans sa permission. Sa harangue finie, nous lui montrâmes une mitaine, feignant de vouloir lui donner en échange de sa peau. Il montra de l'intérêt à cet échange et ainsi, peu à peu, s'accosta du bord de nos navires. Un de nos compagnons, qui était dans le bateau, en profita pour attraper la barque du sauvage et, à l'instant, sauta dedans avec deux ou trois autres. Ils contraignirent aussitôt les occupants à monter à bord, stupéfaits de cette manœuvre. Mais le capitaine les assura qu'ils n'auraient aucun mal. Il leur manifesta de grands signes d'amitié, les fit boire et manger avec bon accueil. Ensuite, il leur donna à entendre par signe que cette croix était plantée là en signe de reconnaissance afin qu'on pût entrer dans le port. Nous voulions y retourner prochainement et nous apporterions des ferments et autre chose. Nous lui dîmes aussi que nous désirions emmener avec nous deux de ses fils et que nous reviendrions avec eux dans ce port. Et ainsi, nous fîmes enfiler à chacun de ses fils une chemise, un saillon de couleur et une toque rouge. Nous leur mîmes aussi à chacun une chaîne en laiton au cou, dont ils se contentèrent fort. Et ils donnèrent leurs vieux habits à ceux qui s'en retournaient. Puis nous fîmes présent d'une mitaine à chacun des trois que nous renvoyâmes, et de quelques couteaux, ce qui leur apporta grande joie. Ceux-ci étaient retournés à terre et avaient raconté les nouvelles aux autres. De ce fait, aux environs de midi, six de leurs barques vinrent à nos navires, chargées chacune de cinq ou six hommes, qui venaient dire adieu à ceux que nous avions retenus. Ils leur apportèrent du poisson et leur tinrent plusieurs paroles que nous ne comprîmes pas, faisant signe qu'ils n'ôteraient pas cette croix.